vieux quartier, c'est la panique. Il arrive avec sa pelle mécanique. Les arbres centenaires tremblent de peur. Ils partiront bientôt pour un monde meilleur. À la bonne place, le maire s'est conseillé, tous les autres rapaces. Il ne s'en fait jamais avec le zonage. Je construis là où je veux, est son adage. Les voisins, les amis auront beau rouspéter, avec ses avocats, il les enverra promener. Dans ce beau boisé, il est très sérieux, il construira condos et cages à vieux. Horreur! Voleur! Massacreur, démolisseur.